je suis enfermé. Tu sais qu'en réalité je voulais faire bien. On m'attendait au péage sur le téco, y'avait plus de solution, donc j'ai emprunté le terre-plein. Je veux surtout pas que tu viennes nous parler. T'auras mon numéro si tu veux parler. Quand t'es pas là, moi je suis perdu. Mais je te retiendrai pas mon amour si tu voulais partir. Dans cette histoire je suis en tort, oui. Et après ça tu m'aimeras encore, je sais. C'est vrai que j'ai une femme en or, oui. J'essaierai de me rattraper dehors, je sais. Et je ne vais pas te mentir. À ma sortie sûrement que je ferai encore pire. Je sais que t'auras encore peur. Je finirai plein de sous ou dans un corbiard. Et je sais que je saigne. Quand t'es seul, que tu sers, que t'essayes d'oublier. Mais je sais que je t'aime. T'es la seule qui me reste, que nos cœurs sont liés. Dans cette histoire je suis en tort, oui. Mais après ça tu m'aimeras encore, je sais. C'est vrai que j'ai une femme en or, oui. J'essaierai de me rattraper dehors, je sais. Et je sais qu'elle me manque quand elle pense à son homme enfermé qui ne voit pas le jour. Elle me dit qu'elle est folle de moi. Pour s'attacher à moi, faut être folle tout court. Désolé pour le mal que je t'inflige. Non, ça veut pas dire que je m'en fiche, moi. Si je sors et que je fais encore pire, c'est qu'avec les trois vides, personne n'est devenu riche. Et t'attends, et t'attends, et t'attends que je me calme. Le temps passe et je sais tu pètes un câble. Et je sais que tu vas t'en aller un de ces quatre. Mais tu m'attends que je te garde. C'est vrai que t'avais raison depuis le départ. Quand je serai dedans y'aura plus personne. J'ai plus de nouvelles de mes amis perso. J'en ai rien à foutre, à ma sortie je traînerai tout seul. Tu sais qu'en prison c'est compliqué. Ta famille croit que t'es mort, que t'es grillé. Et dehors ils font comme si de rien n'était. Ils viendront me parler mais bon ça faut arrêter. Je compte sur personne, tu me connais, oui. Et si tu m'accompagnes jusqu'au bout c'est bien. Et c'est vrai que la juge va m'allumer, oui. Mais tu sais qu'au fond de moi tout ça c'est rien. Mon compte cellulaire dans l'oreille de trop. À cause de lui je peux pas te parler tranquille. Je peux pas te dire ce que je pense, tu me connais. Même sans parler nous deux je te l'occupe pas mais on s'est compris. Mais laisse-moi du temps pour me ranger, pour faire ce que j'ai à faire. S'il te plaît je veux pas que tu me freines. Et si je réussis, alhamdoulilah, sinon je te chanterai toujours le même refrain. Je compte sur personne, tu me connais, oui. Et si tu m'accompagnes jusqu'au bout c'est bien. Et c'est vrai que la juge va m'allumer, oui. Mais tu sais qu'au fond de moi tout ça c'est rien. Et je sais qu'elle a mal quand elle pense à son homme enfermé qui ne voit pas le jour. Elle me dit qu'elle est folle de moi. Pour s'attacher à moi faut être folle tout court. Désolé pour le mal que je t'inflige. Non ça veut pas dire que je m'en fiche moi. Si je sors et que je fais encore pire, c'est qu'avec les 3-8 personne n'est devenu riche. Et t'attends et t'attends et t'attends que je me calme. Le temps passe, le temps passe et je sais que tu pètes un câble. Et je sais que tu vas t'en aller un de ces quatre. Mais tu m'attends, tu m'attends, tu m'attends que je te garde. Et t'attends et t'attends et t'attends que je me calme. Le temps passe et je sais que tu pètes un câble. Et je sais que tu vas t'en aller un de ces quatre. Mais tu m'attends que je te garde.